بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Ah, je jure par cette cité, alors que tu habites dans cette cité, par celui qui a engendré et par ceux qui sont engendrés, que nous avons créé l'homme contraint à un dur labeur. Crois-tu que nul n'a de pouvoir sur lui? Il s'écrie, j'ai dilapidé tant de biens. أيحسب أن لم يره أحد؟ Croit-il que personne ne le remarque؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة؟ Ne l'avons-nous pas pourvu de deux yeux, d'une langue et de deux lèvres, et puis nous lui avons permis de discerner les deux voies. Pourquoi n'a-t-il pas bravé l'obstacle vers le salut ? Sais-tu comment surmonter cet obstacle ? C'est en affranchissant l'esclave, en nourrissant, partant de disette, l'orphelin, le proche parent et l'infortuné abattu. Puis en étant parmi ceux qui gardent leur foi en Allah, et se recommandent mutuellement la constance et l'indulgence. Ceux-là sont les vrais chanceux. Quant à ceux qui refusent de croire à nos versets révélés, ils seront voués au plus mauvais sort. Enfermés dans un enfer hermétique.